Bonsoir, je suis Michel Lasserre, policier et homme d'affaires. Je suis là. On va détruire une prison avec un policier. C'est pour ça qu'on va la détruire par l'intérieur. Mais c'est plus simple de demander la clé. On n'a pas besoin de démolir. C'est parce que la plupart du temps, les policiers ne veulent pas te la remettre. Si on démolit une prison qui est intérieure, une prison intérieure, ça pourrait être aussi un cabanon ou une place dans laquelle on sert des choses. Et puis ça pourrait être un coffre-fort parce que comme c'est intérieur, c'est un élément dans lequel on peut insérer des choses puis le barrer. Oui. Démolir une prison extérieure, il me semble que je serais à l'intérieur puis la prison serait à l'extérieur. Mais là, comment la prison peut-elle être à l'intérieur? Non, c'est un peu les deux. La prison intérieure, c'est qu'on parle évidemment à l'intérieur du corps physique, c'est-à-dire qu'on peut parler de prison extérieure en Union soviétique, qu'ils étaient dans une prison extérieure en plus d'être dans une prison intérieure. C'est-à-dire que la prison intérieure, c'est que l'humain habite à l'intérieur de son corps physique, et est-ce que le corps physique est une limitation? Est-ce que c'est la prison? C'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser les murs, on ne peut pas voler autrement qu'avec des appareils matériels. Sommes-nous en prison? L'autre phénomène intéressant, c'est que quelque part à l'intérieur, il y a des mécaniques qui nous empêchent d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres heureux, simples, efficaces. Et ça, la majorité des êtres humains ne peuvent pas être heureux, simples et efficaces. Ils sont plutôt malheureux, compliqués et inefficaces. Ça serait une prison psychologique? Pas psychologique. Les psychologues diront psychologique de façon à s'attirer des clients. Mais en réalité, non. C'est beaucoup plus une prison énergétique. Et les énergétologues pourront s'attirer des clients. Oui, mais pour présentement, on connaît la psychologie. On parle de psychologie plutôt. Oui. Oh, c'est pas faux de dire que c'est psychologique. Quand psychose, ça veut dire âme, puis logie, ça veut dire mécanique, étudie les relations, disons science qui étudie. Alors, la science qui étudie l'âme, c'est la psychologie. Bon. Sauf que l'âme, c'est une mécanique de prison intérieure, l'âme en général, et puis la prison, la psychologie n'étudie pas l'âme, la psychologie, c'est quelque chose qui sert l'âme. Un psychologue n'est pas là pour libérer l'individu, il est là pour assujettir l'individu aux lois astrales, aux lois amiques, aux lois planétaires humaines. Bon, la majorité, évidemment, je parle des psychologues diplômés, je ne parle pas de l'être humain qui peut être extraordinairement génial, même s'il est psychologue. Ce que je veux dire par là, c'est que la psychologie, elle ne résout pas les problèmes. La psychologie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un être humain qui a des problèmes à vivre dans un cadre particulier de manipulation et elle lui explique qu'il devrait cesser de souffrir puis rentrer dans le cadre. Un psychologue, normalement, va faire ça. Mais la normalité pour les marginaux, c'est ça fait partie des barreaux, ça fait partie de la prison. Ah, même les normaux, dans la normalité, ils sont prisonniers. Oui, mais eux, au nom de la normalité, pour une question d'insécurité, ils sont bien là-dedans. Là. Si tu ne vois pas que tu es dans la prison, si tu n'as pas le goût de sortir, tu es correct là, c'est pas une prison. Oui, maintenant, c'est un peu comme de rencontrer des personnes. En Union soviétique, à un moment donné, ils ont construit un mur qui traversait l'Allemagne en deux. Et quand à l'Ouest, on leur demandait pourquoi vous avez fait un mur, ils disaient c'est parce qu'on veut vous empêcher de rentrer. C'est tellement parfait en Union soviétique qu'on sait que les gens de l'Ouest vont vouloir rentrer. Alors, on a fait un mur pour vous empêcher de rentrer. Mais on ne tuait jamais ceux qui rentraient, on tuait ceux qui sortaient. Bon, c'est religieux, ça. C'est non, mais c'était pour pas aller propager la bonne nouvelle qui se passe à l'intérieur. Oui, mais c'était aussi pour les sauver. Quand tu lâches ta religion, souvent, il y a dans certaines sectes, on veut te récupérer pour t'aider, malgré toi. La prison intérieure, l'être qui est en Union soviétique, si tu lui demandais, par exemple, êtes-vous en prison? Plusieurs vont dire non, parce qu'ils ne savent pas à qui ils font faire. Mais si tu les sors de là et tu les amènes n'importe où ailleurs, tu leur demandes s'ils sont en prison, là, ils vont te dire oui. À peu près la majorité, probablement que tous les Soviétiques, lorsqu'ils sont sortis à l'extérieur pour visiter les pays industrialisés, n'ont pas voulu retourner. Quelques-uns ont eu la force de rester. Mais est-ce que la prison, c'est pas la limite de ce qu'on peut atteindre? C'est-à-dire, si par exemple, tu habites à Pékin, tu ne peux pas t'acheter de biscuits Ritz parce qu'il n'y en a pas pour les Chinois. Mais si tu arrives à Montréal et que tu n'as pas l'argent pour t'acheter des biscuits Ritz, même s'il y en a plein de tablettes, tu es quand même en prison quand même, même si la structure sociale est différente. Ça, c'est la prison extérieure. Ça, c'est extérieur? Oui. Parce que le Pékinois, je ne parle pas de... mais l'habitant de Pékin, faut dire que là-bas, il y a probablement trois chiens par habitant, on va les appeler les Piquinois. Mais les chiens tapettes, les chiens maigres, là. Et le Piquinois, lui, peut être heureux, il peut être simple, puis il peut être efficace. Et il va être efficace en fonction du cadre dans lequel il est. Mais ça va y en prendre beaucoup moins que nous pour être heureux, simple et efficace. Non, non, non, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. J'ai rencontré des gens dans des pays en voie de sous-développement, et puis ils ont besoin de... C'est aussi compliqué. Oui, mais en URSS... Là-bas, ils se cassent la gueule, ils s'entretuent, ils haïssent le voisin, ils courent après un cochon. Oui, mais pour reprendre l'exemple de l'URSS, tu leur apportais une paire de jeans puis du chewing-gum, puis ils étaient bien contents. Ils étaient... ils touchaient, ils goûtaient à l'Amérique, ils goûtaient à la liberté. Oui, par différence de potentiel. Oui, ici, on termine une coupe volante, puis tu vas être aussi heureux. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça leur en prend beaucoup moins que nous, parce qu'on a la possibilité de toucher à l'Amérique. Non. Ça, c'est un danger. La prison dorée, là. Est-ce qu'ils peuvent s'en faire des jeans là-bas? Non, mais ils ont l'illusion de pouvoir... Non, non, non. Ils ne peuvent pas s'en faire. Donc, ça leur en prend autant pour eux que ça en prend pour toi ici. C'est pas parce que nous, on en a facilement que ça ne vaut plus rien. Ça, c'est la philosophie de ceux qui consomment, des consommateurs. On en a plein, ça ne vaut rien. Donc, il leur faut rien. Comme par exemple, il leur faut rien au... Moi, j'étais dans la jungle, au Pérou. Il leur faut rien pour être heureux. Une petite montre là, qui fait bip-bip, qui travaille le matin, puis ils sont heureux, ils regardent l'aller. Essayez d'en fabriquer une montre de même, vous autres. C'est rien, c'est une montre, payer 30$, il leur faut rien. Ça, c'est une philosophie de consommateur. Oui, mais pendant que tu... Bon, ben, même avec cette philosophie-là, les jeans, ou ben non, les montres que tu peux avoir, c'est pas, t'es pas limité, c'est-à-dire que tu peux les avoir. La prison intérieure, là, elle existe où? Elle existe que tant qu'il n'y a pas de jeans dans l'Union soviétique, là, moi, j'ai un trou ici, puis toi, tu en as deux, là. Puis moi, là, j'essaye de cacher mon trou. Puis toi, t'es malheureux de n'avoir deux. Puis là, moi, je me sens snob, puis plus riche que toi. Puis quand j'en vois un qui n'a pas de trou, là, ben je l'haïs parce que c'est un maudit riche, puis il a dû voler, puis il a dû, etc. Quand tu m'amènes les jeans, je suis toujours en prison intérieure. Là, les jeans, j'en veux. Et comme moi, là-dedans, je fais quoi? Amène-moi n'importe quoi. Prends un chien, donne-lui une saucisse, là, ben j'ai l'air de ça avec la paire de jeans. Alors, c'est la même chose. Là, on va, si on parlait de prison intérieure, on va se rendre compte que n'importe où sur la planète Terre... L'homme est en prison. Nous, ben oui. Nos jeunes, dans le passé, qu'est-ce que les jeunes voulaient? Avoir du linge propre. Maintenant qu'ils ont du linge propre, qu'est-ce qu'ils veulent? Avoir du linge déchiré, du linge usé, du linge magané. C'est parce qu'ils réincarnent leurs ancêtres qui étaient pauvres, mais quand même. N'empêche que l'être humain est toujours mal pris dans une prison intérieure. Mais là, la prison naît du désir, d'abord. La prison n'est pas du désir, c'est qu'en plus, on le donne le désir à l'humain de façon à ce qu'il souffre énormément. On joue, on jouit de mais, ça. Mais la fille prison, c'est de penser que c'est que l'humain pense qu'il peut s'en sortir, qu'il est en prison. Il pense qu'il peut s'en sortir en ayant une nouvelle auto ou en ayant... Bah non, même pas. Tout d'un coup, l'énergie a passé. C'est pour ça que... Mais la paix prison, c'est celle qu'on ignore, celle qu'on sait. Plus moins, là. Non, c'est parfait comme ça. Mais la paix prison, c'est celle qu'on voit pas, celle qu'on connaît pas, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Si on est en prison, non, la pire prison, c'est pas celle qu'on voit ou qu'on voit pas. La pire prison, c'est celle qui nous emprisonne. Ça, c'est la pire prison. Ça veut dire quoi? Oui, mais quand tu le sais... On peut faire la philosophie sur les milieux carcérales. Oui, mais quand tu connais ta prison, au moins tu sais que tu peux en sortir. Quand tu penses que tu es libre, comme l'homme pense qu'il y a un libre arbitre... Il m'a dit que cette semaine, il y avait eu comme une forme de contact, puis ça lui avait donné de la parole. Là, il avait peur de parler plus que vous deux. Mais je pense que ça a fonctionné son affaire. C'est parce que j'avais dit à Simon qu'il mette le micro plus fort. Oui, vas-y, parle. C'est bon. C'est ça qu'on croise. Ben, je savais, là, mais là, je le sais moins. Mais l'idée, c'est que quand tu sais que tu es en prison, quand tu ne t'illusionnes pas sur le fait que tu as un libre arbitre, que tu penses que tu sais que tu es limité, que tu perçois justement que tu as de l'intelligence, mais que tu es pris dans le monde, que si tu es intelligent, tu te fais retourner, tu te fais dire quelle sorte d'espèce d'individu que tu es, si tu es tout le temps confronté au fait que les gens autour de toi ne sont pas intelligents. Deux choses. Apprends à t'aimer pour être capable de te supporter toi-même. Un. Deux, n'essaie pas de convertir autrui. Mais sans convertir... Non, mais convertir, on peut s'entendre, là, mais convertir... donne pas tes perles aux pourceaux. Fais attention avec qui tu vas jaser. Fais attention à ce que tu dis aux personnes. Sans même parler. Si tu, par exemple, tu t'en vas sur la rue, puis tu marches en juste le fait d'être là, t'es bien, t'es heureux, déjà, t'es un extraterrestre parce que les gens sont pas bien, tant sont mieux, pas heureux. Tant mieux. Oui, mais ça dérange, là. Mais ça, c'est par sécurité, puis c'est la même chose que de ne pas écœurer gardien de la prison, tu sais. T'es haï, mais cœur la peau parce que tu moi, je suggère une révolution. À 12 ans, j'ai suggéré de faire la grève. L'humain, le faire la grève devant Dieu. Dieu ne nous donne jamais rien de ce qu'on veut. On fait la grève, on ne le prie plus. Bon, mais ça, je me suis fait sortir de la classe. Mais... Là, ce que je dis, c'est qu'on a fait une révolution. Bon, c'est sûr, oui, on a peur. Imaginez, combien il y avait de Juifs, par exemple, dans un camp de concentration? Vu que c'est un camp de concentration, c'est par définition concentré. Il y avait donc beaucoup de Juifs. Bon. Et il y avait combien de soldats allemands pour garder les Juifs? S'il y avait 1000 Juifs, il y avait peut-être 200-300 soldats allemands. Si les 1000 Juifs décident de sortir, il va y avoir 300-400 Juifs qui vont mourir, puis il va en avoir 600 qui vont s'en aller. Et parce que les 1000 Juifs ont peur de mourir, ils restent pris par les 200-300 soldats allemands, puis il y a 50 Juifs qui s'essayent tous les mois, puis ils meurent tous. Ce qui fait juste dire à tout le monde, « Gars, on avait-tu raison, gars, ils sont morts. » Oui, mais là, c'est 50 contre 200. Mais 1000 contre 200, les gars retirés et ravidés de leur fusil. En plus, à l'époque, les fusils automatiques, c'était assez rare. Hein? C'était des marcheurs comme ça. Les fusils plus huppés, on les envoyait au front avec les soldats huppés, les futurs punks. Et puis, c'est la même chose présentement. Si on essaie, dans une société, dans une micro-société, ça peut être dans sa famille, par exemple, ou dans son milieu de travail, si on essaie d'être nous autres, et il faut faire parvenir à être nous autres. Pourquoi? Parce que ça fait déjà des milliers d'années qu'on est tout sauf ce qu'on est. Là, tu parles de ceux qui ne sont pas normaux. Je parle de tous les anormaux, donc je parle des gens naturels. Ça, je parle de ceux qui sont naturels. Lui, il est naturel, il chante. Il ne faut pas que quelqu'un qui chante. Lui, il est naturel, il est gaucher. Ah, il va devenir épais dans sa vie. Lui, il faut qu'on le mette droitier absolument. Il faut qu'il y ait de la dextérité. Dexte veut dire droit. Hein? Alors, là, on fait tout pour le sauver, le pauvre petit. La pauvre petite. Être normal. Puis là, on va avoir plein de théories psychologiques, hein, puis pédagogiques pour expliquer la problématique de tout ça. Bon. Et là, l'humain est en prison. Tout le monde est en prison intérieure. Tout le monde. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a des choses simples que l'humain doit faire. Si l'humain fait ces choses-là, non seulement il libère... l'humain, c'est comme une espèce de gros dirigeable, qui est très dirigeable d'ailleurs, très manipulé, mais... La grosse sphère du dirigeable, elle est à moitié vide de gaz, elle est toute aplatie, puis elle est toute écrasée. Ça, c'est de l'énergie. Quand l'humain va être capable de gonfler ça au maximum, va être capable de s'élever. Je fais un parallèle spirituel, s'élever, là, parce qu'un dirigeable, ça s'élève. C'est pas de ma faute, là, en tout cas. Et puis, on va remplir de roches, puis il pourra descendre sous l'eau. Et puis, quand l'humain va être capable de se libérer de sa prison intérieure, chaque fois, puis je vais donner des choses à faire, là, chaque fois qu'on parvient à faire des petites choses banales, on détend un peu le ballon. Et on va se remplir d'énergie. Puis quand je parle de se remplir d'énergie, là, c'est pas qu'on va flotter dans les airs, puis on va s'en aller, là, puis on va fumer, puis ça ne l'intoxiquera plus, puis bon. On reste terre à terre, mais on va être heureux, heureux. C'est-à-dire qu'en réalité, on va être joyeux. Puis la joie, c'est pas quelque chose que tu fais semblant de. Hey, soyez joyeux, là, souriez un peu. Et si tu t'essayes, tu vas rendre les autres joyeux, mais peut-être pas toi. Ils vont rire de toi. Mais l'humain qui est joyeux, qui est un bonheur instantané, se libère de sa prison intérieure. On doit, pour prévenir le vieillissement, pour cesser d'être malade, pour cesser d'être inutilisé ou inutilisable. Quand on dit, ça c'est un bonhomme qui avait sorti ça à un moment donné, 10% du cerveau humain sert. Ça veut dire ça que 10% de l'humain sert. Puis dans bien des cas, c'est pas le 10% qui sert. Bon, donc c'est pas le 10% de l'humain qui sert. Et on n'a pas, on peut faire, il y a évidemment des stratégies pour développer sa capacité cérébrale, mais il y a tellement de façons plus simples. Moi, j'ai toujours aimé cesser de travailler sur les résultats secondaires de l'évolution, de la conscientisation. Je télépathe, après 25 ans, je télépathe. Si tu fais juste changer un peu, là, tu vas découvrir que tu es télépathe. Tu n'as pas besoin de travailler 25 ans. Sauf que si tu te changes un peu, tu découvres que tu es télépathe, tu découvres que tu n'oublies plus rien, tu découvres que tu ne te perds plus, ou tu te perds où tu vas, tu découvres que tu es télépathe. Tu découvres que tu es métagnome, tu découvres que tu peux faire du cumberlandisme, tu découvres que tu fais de la télékinésie, tu découvres que tu es capable de dormir en trois minutes. Tu n'as rien que changé une chose. Mais c'était une chose qui avait de la valeur, tu as changé l'humain. Toi, tu t'es émancipé à l'intérieur de ta prison. Alors que l'humain qui essaie d'avoir des résultats secondaires va finir par être un beau clown, quelqu'un affiché dans un cirque ou dans un endroit particulier. Il sera un gourou, il sera un maître, il sera etc. Mais la prison, on doit en sortir. Tu dis là, on peut s'émanciper à l'intérieur de la prison. Tu rends ça finalement confortable. Tu es dans ta prison, aussi bien avoir un bon lit que dormir sur le lit. Oui, bon. Au début, c'est ça. Tant qu'à coucher à terre, autant avoir un lit dans le temps qu'être dans la prison, là, autant être confortable. C'est ça. Je suis pour, moi. Bon. Donc, rendons notre vie confortable, mais pour ça, c'est le début, parce qu'après ça, on doit sortir de la prison. Ça reste une illusion. C'est t'es en prison, puis tu t'en crois, tu es à l'extérieur. Il y a un gars tout à l'heure qui disait que la différence entre un riche et un pauvre, un riche, c'est un pauvre qui a de l'argent. Mais c'est vrai souvent au niveau de l'humain. peut dire que c'est un ex-pauvre, mais il n'est plus pauvre là. Non, c'est un pauvre qui a de l'argent, un pauvre homme, pauvre type. Prison intérieure, parlons-en un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'une prison intérieure? Dans notre société, elle est très intéressante, la société, d'ailleurs je suis né au Québec parce que c'est ici que c'est plus intéressant. Mais il y a quand même des limitations à travers la structure du Québec. On va parler évidemment de notre prison intérieure que l'on peut vivre, qu'on peut voir croître ici au Québec. On va laisser faire les autres pays. Au Québec, quel genre de prison avons-nous? Puis là, je ne parle pas de la prison extérieure, sauf qu'on va nécessairement parler un peu de la prison extérieure. Pourquoi? Parce que la prison extérieure est une projection de nos prisons intérieures. C'est-à-dire qu'étant pris à l'intérieur, on va finir par en faire soit un consensus biologique, soit un consensus de normalité, soit un consensus de morale, soit un consensus légal. Par exemple, un petit gars de 12 ans ne devrait pas embrasser sa petite amie de 12 ans. T'sais, ça ne se fait pas. Ça, c'est une prison intérieure projetée à l'extérieur dans un consensus moral. Bon. L'éducation sexuelle dans les écoles, c'est pas correct. Ça peut être c'est une prison intérieure projetée en consensus théologique, en consensus moral, on pourra voir. Ça peut être aussi bon. En consensus biologique, on va amener des choses. Par exemple, vous êtes un petit bébé, et puis vous mangez, puis vous remplissez la carrière Miron. Avec les couches. Sauf que les éléments que vous allez prendre et que vous allez digérer vont faire en sorte que votre corps va grandir jusqu'à un état d'adulte. Ça se peut pas. Scientifiquement, ça se peut pas. La science va biologiquement expliquer le fait que vous allez grandir, que les membres grandissent en même temps, que l'os ne dépasse pas le doigt, puis qu'il n'y a pas une affaire qui passe sur le... Ça grandit. Mais ça se peut pas. Et ça, par exemple, à un moment donné, intérieurement, on va découvrir qu'on vieillit, puis ça ne nous tente pas. Parce qu'on est pris d'une prison intérieure, on va le projeter en consensus biologique, c'est normal, le vieillissement. Vous perdez la mémoire, quel âge vous avez? 82 ans, ah, c'est normal à votre âge. À 62 ans, vous aurez soigné, mais à 82 ans, c'est normal. Bon. Et ça, c'est le consensus de normalité, consensus biologique. Pourquoi on ne peut pas rajeunir ou rapetisser ou grandir plus que notre génétique? Voyons, non, ça ne se fait pas, ça ne se peut pas. Pourquoi ça ne se peut pas? Parce qu'on ne l'a pas vu. Mais le bébé qui devient adulte, ça se peut pas. La graine que tu plantes, qui pousse, puis qui se trouve le soleil, même si c'est sous terre, mais là, à l'envers, elle sort du bon bord. On va expliquer, on va décrire des mécaniques, mais ça se peut pas. Dernièrement, je lisais un article scientifique qui disait qu'il y a des colorants naturels dans les fleurs, par exemple les fleurs jaunes, les fleurs oranges, les fleurs bleues. La science pense que ça sert probablement à attirer l'œil des insectes qui vont venir les polliniser. Et qui a décidé de bâtir la fleur avec du bleu, puis là, ils ont étudié la nature chimique, ça, les Japonais ont fait ça, ils ont pris beaucoup d'argent pour ça. D'ailleurs, ils vont augmenter prochainement le prix de leur moule à cause de ça, parce qu'il faut subventionner. Et ils ont étudié la nature chimique. C'est hélicoïdal, c'est un paquet d'éléments particuliers qui est retenu ensemble par une chaîne de magnésium, et c'est maintenu solidement dans la plante par la pression de l'eau dans la circulation de la plante. Ça fait que quand la plante meurt, la pression d'eau disparaît, la chaîne se défait, puis la plante bleue devient grise, etc., ça se défait. Ça, c'était important à étudier. Bon. Et c'est probablement pour attirer les insectes. C'est faux! L'insecte, là, il volait, puis il allait n'importe où, puis il mourait, puis il y en a qui ont commencé à aller là-bas. Puis finalement, il y a une harmonisation qui va se faire, mais la plante n'est pas bleue pour attirer les insectes. Les insectes ont fini par aller vers les plantes bleues, puis génétiquement, c'est encodé. Parce que c'est la plante qui peut, avec laquelle ils peuvent se nourrir. L'humain décode. Alors, pouvez-vous rajeunir? Non. Ça, c'est une prison intérieure projetée dans un consensus biologique. Pouvez-vous cesser de vieillir? Ben voyons donc, pourtant, on travaille là-dessus depuis tout le temps. Mais par consensus biologique, non. Pouvons-nous refaire pousser les cheveux? Grosse question philosophique, n'est-ce pas du siècle? Bon, enfin, qu'un intérêt certain. Et patati, et patata, et patata. Les prisons intérieures, il y en a tout un lot, basé sur une seule chose, empêcher l'être humain, l'animal humain, de s'émanciper en être humain, prendre le contrôle des structures génétiques, contrôle des structures naturelles. Nous sommes ici sur la planète Terre dans des corps de chair, très intéressant, mais tout ce que nous vivons en tant qu'animal ne nous appartient pas. Les guerres, ce n'est pas nous autres, là. Les maladies, ce n'est pas nous autres. La famine, la faim, la pauvreté, ce n'est pas nous autres. Bon, Les souffrances, les peurs, les craintes, les angoisses, les rêves, les cauchemars, c'est pas nous autres. Le besoin de Dieu, le besoin de guide, le besoin d'être sauvé, le besoin du salut, le besoin d'aider, c'est pas nous autres. Mais si on se regarde, on se décrit, on va dire c'est nous autres. Ben oui, parce que c'est un consensus, on finit par dire c'est nous autres. Oui, mais on vit l'expérience, je peux pas dire que c'est pas nous autres. C'est pas nous autres. Mais c'était dans le corps physique de celui qui va se battre. T'as de la difficulté à dire que c'est pas toi. T'es mal pris en maudit, mais c'est pas toi. La majorité, Richard Bach, tu connais peut-être Richard Bach, c'est un pilote d'avion qui a écrit Jonathan Livingston Le Goéland, qui a écrit plusieurs autres livres. Son premier livre qu'il a écrit, c'était, je me rappelle plus quoi, là, mais disons, un ennemi, ou un ami derrière les lignes, on va dire, bon. Lui, il s'est rendu compte qu'il pilotait des avions de chasse pour l'amour du vol. Et à un moment donné, il allait abattre des gens de l'autre côté des ennemis, puis qu'il pilotait probablement aussi pour l'amour du vol. T'es le gars qui va te battre. C'est pas ta guerre. Tu veux pas tuer les voisins d'en face. Tu n'en as rien à foutre de ça. T'arrives sur un champ de bataille à baïonnette. Comme par exemple, on a une statue là, de la Première Guerre mondiale. Je crois, oui, probablement, ils ont des chapeaux style bol. Quelque part, j'ai vu ça là, dans plusieurs villes. Là, je fais des conférences un peu partout présentement. Bon. Et la statue, c'est en gros bronze. C'est un soldat de la Première Guerre mondiale, un soldat canadien, qui tue un ennemi couché à terre avec sa baïonnette. Même avec un couteau en plus. Le gars, il va mourir 5 minutes, 10 minutes, dis, bon. Il va pas bouger, là, mais il s'affiche tout le temps maintenant. Ça, c'est l'idée qu'on a. Mais la majorité des mecs qui vont se battre, qui vont tuer, parce qu'à un moment donné, là, quand tu commences à gagner sur l'autre, là, c'est 50 ans en montant que tu tues, puis 16 ans en descendant que tu tues. Mais ça fait longtemps que tu sais qu'il n'y a personne qui veut vivre ça. C'est pas notre vie. C'est pas nous autres. T'es dedans, mais c'est pas nous autres. Tu es policier, tu es pris à un moment donné dans un escarmouche, tu es entouré d'un feu croisé, tu es pogné là-dedans, tu as des enfants, puis là, subitement, tu te rends compte que tu n'as plus de balles, tu n'as plus rien, tu es tout seul pogné là, les flics entourent la bâtisse, mais tu es mal pris. Tu as vu le piège de cristal? Bon, imaginons ça ici à la place d'une Marie, piège de briques, bon. Et puis, là, subitement, là, tu te dis, qu'est-ce que c'est pas ta vie. Aider les citoyens, aider les humains, sur un coup de temps en temps, tu penses que c'est ta vie. Pourquoi? Parce que tu es capable de supporter le mensonge cosmique puis l'illusion jusque-là. Puis quand ça commence à être bizarre, moi j'étais ambulancier, j'étais technicien médical pour urgence santé. Quand à un moment donné, tu vas travailler au chevet de personnes qui devraient vivre et qui sont en train de mourir, c'est pas sa vie. C'est tout le monde autour, c'est pas leur vie. Puis tous ceux qui travaillent autour de ça, qui essaient de sauver, là, puis qui... C'est pas ça la vie. Faut t'arrêter. Il ne faut pas que tu sois trop réchauffé, parce que quand tu commences à avoir ces questions-là... Juste au lieu de masser, tu dis, écoute, réveille, réveille. Non, mais... Lien spirituel. Non, mais c'est que t'es deux personnes qui est là, puis... Oui. Mais ça, l'humain qui se conscientise n'a pas le choix. Plus ça va aller, plus les gens qui se conscientisent vont découvrir, à un moment donné, qu'ils vivent une vie qui n'est pas la leur. Et nécessairement, ça va créer ce que la psychologie va appeler des chocs existentiels. Mais là, je suis d'accord pour dire qu'à ce moment-là, ça, c'est une prison. Sauf moi que... aussi, je le vois plus comme ça. Là, tu viens de prendre... Parce que là, tu étais emprisonné dans ta vie. Là, je suis dedans. C'est fini, en plus. Tu prends tellement d'expansion. Tu prends tellement d'expansion dans ta cellule que tu vas à côté sur tous tes bords. Ah, tu as même... Et ça faisait long. Ça, je voyais. Là, ça faisait long entre les barreaux, puis ça veut sortir par en haut. Là, tu es en prison. C'était un peu... Tu peux faire de la phagocytose, tu sais. Comment? Tu connais ça. Les cellules, ça le passe. Tu digères les barreaux en les entendant. Mais c'est parce que, bon, on voit bien, dans ce sens-là... Dans ce sens-là, je suis d'accord pour... Ben, je sais pas, c'est évident que là, ça, c'est vivre dans une prison. On vit pas notre vie. D'accord avec ça? Ben, tu sais, on vit pas, c'est pas plaisant. Parce que ma vie, je sais pas... Est-ce que c'est ça que tu veux? Que ce soit pas plaisant. Non. Donc, c'est pas ta vie. C'est pas nous autres. Ben oui, mais là, c'est pas ma vie. C'est pas notre vie. On est pogné dans un véhicule physique qui est charrié un peu partout. Tu te réincarnes dans un rat. Tu ouvres les yeux, c'est un rat de laboratoire. C'est pas ta vie. Oui, mais je veux sortir. On va te faire sortir, mon ben oui, mais c'est pas là. Ben ouais, on va te libérer. Mais si c'est pas. Si c'est pas ta vie, comment ça tu te ramasses là? Comment... Ça n'a rien à voir. Parce qu'on est manipulé, parce qu'on se fait charrier, puis parce qu'on se laisse faire. Tout à l'heure, justement, au début, tu t'es dit quelque chose comme... tu n'as pas assez vite, je trouve, là-dessus. C'est que tu as dit... Oh, Je m'en rappelle. C'était vite, oui. C'est qu'on on n'est pas des humains utilisables. Puis après ça, plus tard, on t'a dit, j'aimerais qu'il explique pourquoi faire de ça. Puis après ça, plus tard, on t'a dit qu'on ne peut pas prendre le contrôle de toutes les mécaniques finalement qui nous régissent, là. Qui régissent. Je ne sais pas de mémoire, je m'en rappelle pas. Non, tu étais un enquêteur, toi. Comment? As-tu été un enquêteur cette semaine? Il revient en contre-interrogatoire. C'est ça? Non, mais qui nous utiliserait? Ben, c'est ça, si on n'est pas utilisable. Bon, premièrement, l'humain a besoin de réponses spirituelles. Il n'y a pas de qui, mais c'est évident qu'une mécanique... Il y a quelque chose. Oh, oui, c'est énorme, c'est vache. Je la connais bien. C'est pas moi. Je la connais bien parce que je me suis promené pas mal. Il y a une mécanique énorme, on pourra en reparler, on pourra revenir dessus. J'aimerais parler un peu de la prison intérieure, parce que même si on ne connaît pas le manipulateur, en séminaire, j'élabore beaucoup là-dessus, et je préfère garder ça là, on a du temps. Mais c'est pas... quand même, mais je veux qu'on parle beaucoup de la prison intérieure. Des mécaniques qu'on devrait minimum faire éclater, parce que qu'on connaisse ou pas l'esclavageur, on va être capable de le brancher suffisamment pour ouvrir suffisamment de portes. Une chose est certaine... Lui, c'est le gardien de la prison, là. Oui, c'est le gardien de la prison. Mais c'est même la prison. Une chose est certaine, c'est que la majorité de tout ce que l'humain est confiné à vivre n'appartient pas à l'être humain. Ça appartient à des mécaniques. Bon, je pense là-dessus encore. Qui habite la planète Terre? Mais nous, on fait partie de leur cauchemar, de leur rêve, et on est confronté par des manipulations, par la religion, entre autres, souvent, par la psychologie des sciences, à un moment donné, qui découle, veut pas, des visions psycho-émotives de l'humain, donc théo-psycho-émotives, religieuses au départ. On est confronté à accepter comme étant une chose telle qu'elle, ce qui est là. Je marche dans... J'avais 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus quel âge, quand j'étais jeune, biologiquement. Et puis, je marche dans un endroit où on vend des animaux. Pet shop. Animalerie. À l'époque, c'était un pet shop. Mon chum, il pétait tout le temps, puis... Bon. Ah, c'était un pet shop. Il s'appelait shop, non? C'est ça, il s'appelait shop. Pet shop. Il coupait en tranches. Là, on regardait les animaux, etc. Puis là, il y a un bonhomme qui approche de nous autres, puis qui nous dit, c'est-tu beau, hein, ces poissons-là? C'est-tu beau? J'ai dit, oui, c'est beau, c'est beau. Alors, il y a des oiseaux là-bas, c'est-tu beau? Ah, genre, oui, c'est beau. Hein? Ça prouve qu'il y a un créateur hein, qui a fait tout ça. Le gars, c'est un témoin de Jéhovah. Bon. Et puis, il devait ramasser. Imaginez, tu prends un poisson rouge, là, tu fais avoir un témoin de Jéhovah. Je ne l'ai pas fait à l'époque, mais là, ça, je le ferai. Puis, viens, ouais, je dis, ouais, c'est beau. Poisson rouge, là, tu vas dans un autre aquarium, piranha. Pouf, poum, c'est-tu beau, ça, hein? Et que c'est beau, ça. Ça prouve qu'il y a un créateur. Piranha vient de bouffer le poisson. Là, tu vas voir un anaconda, là, tu prends une souris, une place, là. Viens, ouais. Dans l'aquarium anaconda. Fou! C'est-tu beau? Ah, c'est beau, ça. Préfères-tu être l'anaconda ou la souris, là? C'est beau, ça. Il y a un créateur, c'est évident. Il y a un créateur, c'est génial. Hey, on se fait-tu fourrer comme il faut? Franchement. C'est pour nous éprouver. Qu'est-ce que le rat a été éprouvé par l'anaconda? Dis-moi. Le poisson rouge a été éprouvé par le piranha. Puis le piranha, dans pas grand temps, il va être acheté par quelqu'un qui ne nourrira peut-être pas. Ou qui va faire comme un de mes amis, il va lui donner du bœuf congelé, il sort du congélateur, il aime ça l'avoir travaillé après. C'est gros, ben. Il est éprouvé par Manitou, par Allah, il est éprouvé par Dieu, il est éprouvé par Jéhovah, par... Bon. Ben, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Non, c'est pas ça. On est sur une planète prédatoriale, alors que toutes les essences enseignées par les religions nous disent de ne pas tuer. Alors, aux Indes, on ne doit même pas tuer les vaches. Tout le monde est comme accès, les religions, les vaches. C'est vache. Alors, l'humain crève de faim, mais il est non-violent. Autrement dit, il accepte de se tuer. Il va trouver des Japonais qui se font seppuku ou harakiri des animaux. Lui, il ne se fera pas harakiri comme ça, c'est trop vite. Il va souffrir de la faim pendant 2-3 ans en laissant les vaches manger autour de lui. Alors qu'ici, on va devoir tuer les animaux pour être capable de s'alimenter. Tu sautes, j'ai connu quelqu'un, pas ici, en tout cas, il s'est écrasé avec un avion. Ben, l'avion s'est écrasé, il était dedans. Il est resté vivant. C'est extraordinaire. L'appel de Dieu. Mais il n'avait rien mangé. Il a bouffé, c'est bon. Il a bouffé un morceau. Un bras ou deux. Ça a duré une semaine et demie, deux semaines. Il a été secouru. Là où il était, ça faisait suffisamment froid, puis il en avait besoin. Il y a eu des histoires comme ça, il y en a en masse. Bon. Dieu a accepté. On est des carnivores. Fait qu'on va être écrit à l'image de Dieu. Il me semble que ouais, Dieu, voilà, avec ses patates frites et son hamburger. Écrit à l'image de Dieu. Si on a une parcelle d'intelligence, on a plus qu'une parcelle. Ben, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, d'abord? L'intelligence, ça flotte en haut. Ce qu'on est venu faire ici, c'est... On pourrait y revenir encore une fois. C'était... Parce que là, j'ai l'impression qu'on... C'est ça que je t'annonce, on va revenir. On est de l'intelligence. La réincarnation. Si on est... On a l'air de quelqu'un qui n'était pas en prison. On n'était pas en prison, puis on a ouvert la porte. On est entré dans la cellule, on a fermé la porte, puis on a bouffé la clé. Il y a quelque chose que je comprends pas dans... Vos toilettes. Ouais. Mais qu'on soit intelligent puis qu'on ait fait ça, ça marche pas. Ou on n'est pas intelligent ou on l'a pas fait. Non. Ben, donc, il y a une raison qu'on connaît justement, pas. Justement, il faut que ça te fasse assez pour que tu retrouves la clé. Ben, c'est ça. Ça, c'est religieux ce que tu viens de dire là. Tu dois souffrir, souffrir, souffrir pour retrouver la clé. Papa, donne-moi la don. T'as Dieu, vas-y. Ah, tu l'as perdu. Je l'ai perdu. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Ça fait des milliers d'années que tu l'as perdu. C'est quand t'as Italie. T'as de la mémoire. La mémoire. Le créateur des éléphants, certains. Mais tu disais tantôt qu'on participait à un cauchemar, un rêve de on qui nous... On est dedans. Qui nous appartient pas, mais sachant ça, on devrait juste avoir à se réveiller, puis ça serait réglé. Ouais. C'est exact. Mais ce que je dis, il faut devenir des êtres simples, hein? On se réveille, là, on est complexe. Ouais. Bon, on prend des exemples de prison intérieure, puis parle, juste au moins en parler un peu de quelques-unes pour bien qu'on puisse vivre ce que c'est qu'une prison intérieure. Puis après, on pourra parler de qui, de pourquoi, de comment, de quoi, puis de qu'est-ce qu'on a fait si on a le temps, on pourra revenir là. Bon. Prison intérieure qu'il faut démolir au départ, c'est important. Nous sommes des êtres fondamentalement malheureux. Les religions vont dire « vous êtes des pécheurs ». Bon, la scientologie va dire « vous êtes des malades ». En ça, elle rejoint la médecine, la psychiatrie, ces choses-là. Parce que soyez en parfaite santé, allez passer un examen médical. Alors, ils vont vous trouver de quoi. Bon. Ils vont dire « c'est bien fou, on n'essaie de rien ». Ah non, si t'es malade, ils vont peut-être rien trouver. Là, il y a des bons médecins, évidemment. J'ai des amis qui sont médecins, puis je ne sais pas si c'est réalitant. En tout cas. Bon, la médecine d'urgence, c'est génial. Parmi les prisons intérieures, énumérons-en quelques-unes. Les prisons qui nuisent. Et là, ça ne touche pas tout le monde, mais c'est pour donner des exemples de ce que c'est qu'une prison intérieure. Est-ce qu'un homme ou une femme peut aimer deux femmes ou plus, ou une femme aimer deux hommes ou plus? Là, évidemment, parce qu'on est dans une prison très barbare, plusieurs pensent que quand je dis aimer, ça veut dire coucher avec. Tu peux aimer quelqu'un et coucher avec, tu peux coucher avec et pas l'aimer. Tu peux l'aimer sans coucher avec. C'est comme aimer la couleur de la boîte de Kleenex sans éternuer. Puis tu peux éternuer sans aimer la boîte. Tu peux aimer les Kleenex et éternuer le temps. Bon, non, mais il y a une différence. Alors, je te laisserai pas écrire un film érotique. Bon. L'imitation intérieure va faire en sorte que par projection de notre prison intérieure, on va l'amener à l'extérieur et on va dire non. Il y a des entités, Jaquita entre autres, une entité extraordinairement puissante partout dans le monde, Jaquita c'est le nom québécois, qui elle amène l'humain à être jaloux, elle empêche l'humain d'être bien. Par exemple, si je suis avec une femme, on va dire c'est une femme aussi. On a beaucoup d'imagination. On n'ira pas à dire aller jusqu'à dire qu'elle est belle. On donne une chance. On n'aura pas assez d'imagination pour les deux. OK. Bon. Ah oui, là. T'es une femme. C'est ma femme. T'as de la misère. Oui, c'est compliqué, ça, là. En tout cas, je ne regarderai pas. C'est ma femme. Ma femme, elle sort avec un autre. Jaquita vient me ramasser, puis Jaquita, ce qu'elle me dit, c'est que je dois lui interdire d'être bien autrement qu'avec moi. Si je suis manipulé, il peut être simplement heureux à son travail. Quand il revient de travailler, il arrive heureux, je suis possédé, je vais lui dire, bon, puis, veux-moi pas, à un moment donné, je vais lui dire, t'as déjà ma passe avant moi, puis on le sait bien, puis t'es... il faut pas qu'il soit heureux, jamais dans la vie, sauf avec moi. C'est mieux qu'il soit jamais heureux ni avec moi, que heureux de toute façon ailleurs. Alors qu'entre vous et moi, tort Dieu, lui, ma femme, ma soeur, lui, ma femme, elle s'en va. Elle sort avec quelqu'un, s'en va voir ainsi au cinéma, elle va écouter l'orchestre symphonique qui joue des pièces que je déteste. Et quand il revient, il est heureux. Moi, je devrais être heureux aussi. Parce qu'à deux êtres heureux, là, on pourrait être beaucoup plus heureux. Mais dans la tradition planétaire, sociale, partout dans le monde, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question. Est-ce qu'un homme peut être en amour? Je ne dis pas, là, est-ce qu'il peut, est-ce que c'est possible? Je dis, est-ce que ça serait acceptable, est-ce que c'est correct qu'un homme puisse aimer, pas tomber en amour, mais ça, on pourra venir un moment donné, on peut monter en amour, aimer plus qu'une femme? Est-ce qu'une femme peut aimer plus qu'un homme? Oui ou non? Oui. Oui. Non. Parce que là, tu peux te libérer de ta cellule ou de ta prison, mais tu peux en créer une autre, ça dépend. Il faudrait que les trois soient corrects. Si toi, tu restes à la maison, comme dans ton exemple, puis que ça te rend malheureux que l'autre soit heureux d'être parti, il me semble que ça crée une autre prison pour celui qui reste là. Okay. En tout cas, ça rapetisse les barreaux. As-tu peur que ta femme allait mettre deux? Ouais. Non, mais sérieusement, il me semble que si on ouvre les portes, pour fermer les portes sur la cellule de l'autre, je sais qu'il ne faut pas être spirituel, là, mais ce n'est pas nécessairement écologique. Bon, ce que tu dis là, c'est intéressant, sauf que c'est bien. C'est un discours que si on était à la télévision, dans certaines formes d'émission, plusieurs amèneraient. Ils ont raison parce qu'ils se gèrent en fonction de prisonniers. La question fondamentale est une question absolue. Est-ce que l'être humain doit avoir accès à l'énergie affective de plus d'un individu? Mais moi, ce que je dis, alors, c'est évident que si, parce que comme Charles le dit présentement, une personne qui veut se libérer, c'est-à-dire qui a été pris dans sa prison longtemps, puis là se libère, elle reste prisonnier aussi, mais elle va jouer à quelqu'un qui a l'équilibre. Moi, j'appellerais ça désinhibé quand tu le fais intelligemment. Elle va commencer à courir, à coucher avec un paquet de femmes ou un paquet d'hommes, puis au yard, les conséquences sont éco-sociologiques ou éco-familiales. C'est évident que ça, c'est absurde. Moi, ce que je dis, par contre, c'est la question au niveau de l'absolu. Devons-nous nous limiter? L'être humain doit-il... Est-ce que l'être humain est un être limité à aimer la vie quand il est marié ou quand il est à côté? Le mariage, c'est quand tu es à côté avec des corps, tu es un champ plus. Là, il ne peut plus. Bon. On va poser la question d'une autre façon. Vous avez des enfants, vous les aimez. Pouvez-vous aimer l'enfant d'un autre autant que les vôtres, l'enfant du voisin. C'est la même chose. Oui, mais c'est beaucoup aimable. Moins puissant en répercussion. Ça, c'est les femmes, peut-être. Bon, OK. S'il est aimable, si l'enfant nous plaît, si l'enfant il me plaît, il n'y a aucun problème. L'enfant, il lance des balles de neige, je crois que ça fonctionne le jeu. Mais est-ce qu'il y a un inconvénient énergétique à aimer l'enfant d'un autre autant que tes propres enfants? Ben oui, il y en a un. Lequel? L'inconvénient énergétique. Ben, c'est l'autre adulte qui aime aussi l'enfant. Bon, encore une fois, on fait de la gestion. Moi, ce que je vous dis, non, mais c'est sûr que dans... on fait de la gestion. C'est sûr que dans l'absolu, il y en a... c'est génial. Si t'es capable, si tout le monde est capable de... Mais de... c'est ça, l'homme. Oui, mais... Parce que moi, ce que vous me dites, c'est que est-ce que moi, par exemple, j'ai le droit d'être heureux? Non! Parce que si l'autre est à côté pour en souffrir, tu continues à souffrir. Oui, mais moi, je dis pas que je suis d'accord avec ça. Non, je comprends, mais c'est ce qui passe au niveau de l'humain, oui. T'sais, il faut faire attention parce que moi, je commence à me mettre en forme, puis l'autre qui me donne un peu, là, ça l'irrite. Ah ben, il ne faudrait pas me mettre en forme. Ça, c'est la vision spirituelle qui hante la majorité de l'humain. Vous avez raison tous les deux, là. C'est-à-dire qu'il faut régir ça intelligemment. Mais je vais quand même détruire une petite forme avant. On pourra le faire un néotype après, une nouvelle forme. Vous ne devez pas changer vos vies. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la planète Terre à la condition que ça dérange personne. Ça, c'est l'astral qui a amené cette loi-là. L'astral, il s'arrangera toujours pour qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui va te déranger. Je vais déranger. Bon. Vous voulez cesser de fumer, vous allez déranger du monde. Vous voulez commencer, vous allez déranger du monde. Vous voulez commencer à vous coucher de bonne heure. Une nuit, deux nuits, trois nuits, votre conjointe, votre ami va commencer à trouver que vous êtes là pas mal. Vous voulez tout le temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que l'être humain finisse par se prendre en main, sortir du cauchemar des autres pour sortir du sien, puis commencer à faire ce qu'il a à faire. C'est évident qu'il faudra gérer ça intelligemment, en ce sens que tu ne tenais pas tout le monde à dos immédiatement, mais là, ce soir, nous allons parler philosophie. C'est-à-dire, vous avez raison, que tout ce qu'on revienne un petit peu, si on y pense ou si on a le temps, mais c'était, bien, on, juste faire un avertissement immédiat là, c'est évident que ce n'est pas parce qu'on en parle actuellement que c'est actuellement plaçable partout dans notre vie. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on ne vit pas notre vie, on se fait charrier à l'os, sinon à la tombe, on vit la vie d'on ne sait qui, on s'amuse à nos dépens, puis on se nourrit en masse à nos dépens. Vous rentrez chez vous ce soir en couple, vous voulez avoir la paix, vous êtes bien, puis une heure après, vous pouvez être en grosse chicane. C'est pas ça qu'on voulait, c'est pas ça, rien à faire. Vous étudiez, vous arrivez à l'école, passez un examen, vous coulez, tu dis, ah, voyons donc la vie par là. Puis toi, on te coule parce que t'as coulé l'examen, on va savoir si t'es bon. Et ce que je veux qu'on comprenne bien, là, c'est que c'est pas notre vie. On est emprisonné, puis il faut parfois arriver à la démolir. Mais là, il ne faut pas qu'on dise, il faut démolir, mais la condition qu'on démolisse pas les barreaux, tu sais, c'est des barreaux chromés, puis c'est beau, puis il y a du monde qui entretienne ça. Ma femme est en dedans, moi, là, tu sais, puis elle astique les barreaux chromés tous les jours. Là, tu me dis, casse la prison. Elle n'aimera pas ça. Bon, pour revenir à ce que tu disais au niveau de l'affection, d'aimer plusieurs personnes, que ce soit des femmes, des hommes, d'aimer d'autres enfants, moi, ce que je vois, c'est que le fait de... on est coupé de l'affection. C'est pas correct d'aimer. C'est pas correct de montrer ses sentiments. C'est ça qu'on a comme message d'envie. Alors, le fait de commencer à se nourrir avec des individus qui sont intéressants, ça, pour moi, c'est une façon de sortir de la prison. Prenons l'exemple de la prison. Je fais une conférence et il y a un parent qui vient me voir et qui me dit, mon enfant a 3 ans. Je pense que c'est un déviant sexuel. Bon, son professeur, sa gardienne plutôt, est venue à la maison à un moment donné, puis on a jasé un petit peu. Il l'aime bien. Puis quand elle est partie, j'étais la reconduire, je la ramenais à l'autobus. Mais en sortant, j'ai vu mon petit gars dans la fenêtre qui envoyait un bec. Puis ça, il me semble que c'est dangereux. Puis ça va l'être plus tard. Des fois, il est en amour avec sa gardienne. Là, la majorité vont dire, voyons, c'est exagéré, c'est... C'est ça le maudit problème. Regardez, puis là, c'est ça, même dans votre gestion, là, faites attention. C'est préférable de le développer en couple, mais à un moment donné, s'il y en a un qui veut rester en prison, puis l'autre qui veut sortir, là, on va dire, ah, vous dites qu'ils vont devoir se divorcer. Ce que je dis, c'est qu'on doit finir par s'en sortir, torieux. Bon, j'ai le sida, je fais l'amour avec toi, fait qu'on le fait, le sida. Moi, je dis, faites pas le sida. Ah, mais t'empêches les relations sexuelles. Qui... Ben oui! Tu sais, c'est simple, protégez-vous, mais dans la relation énergétique, les condoms sont pas inventés. Bon. Ça fait plus une fusée. Prenons l'exemple. Votre enfant, il a 3 ans, il fait un cauchemar. Il se lève, il vient coucher avec vous. Il se couche avec le parent s'il est monoparental, ou si l'autre est parti, ou il se couche avec les deux parents. Puis il dort. Est-ce qu'on doit tolérer ça ou pas? La majorité des pédagogues vont dire non, puis j'en connais qui disent non. Parce que, premièrement, le lit des adultes, tu sais, c'est... Bon, ils ont tout un paquet de visions sexuelles et de tout ce que vous voudrez là-dedans, là. Parce qu'on est tellement laid, on est tellement débile, on est tellement yak, on devrait, je sais pas, moi, se couper la tête et juste aller se garder la tête, tu sais. Oui, il n'y a pas de problème à ce que l'enfant vienne. Bon, parfait. Vous couchez nu dans votre lit. Là, le petit gars, la petite fille, à 3 ans, se pointe là-dedans parce qu'elle a fait un cauchemar à la broille. Faites quoi? Ah, ben moi, je m'en veux pas découverte, tu sais, puis je m'en veux. C'est ça. On est en prison en tabarnouche. On est en prison en... On projette-tu? Non, ça ne me dérange pas. C'est parfait. Votre enfant est rendu à 12 ans. Là, il fait un sérieux cauchemar. Là, il a peur. Là, il vient coucher avec vous autres. Vous êtes encore nu dans votre lit. Vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas eu de chèque. Là, il a 12 ans. Là, vous faites quoi? Ben là, 12 ans, c'est pas pareil. C'est ça, l'humain. C'est ça le problème de l'humain. Une cigarette par jour, c'est pas beaucoup. L'autre qui en fume 15 par jour, c'est raisonnable. On aura toujours des mensonges, on aura toujours de quoi se compter. Pour développer, démolir la prison intérieure, il faut être capable de se rendre compte qu'on se niaise, et plus ça s'en va, plus on va se niaiser. Mais c'est ça, ces mensonges-là sont là finalement pour que l'humain, il supporte la souffrance, parce que c'est pénible. Alors, il se fait croire finalement que ça va comme ça veut. Et, la personne qui fume, dans le fond, je pourrais arrêter de fumer quand je veux, mais c'est parce que j'aime bien ça fumer. Ou, il va se conter des histoires pour supporter ça. C'est sûr que, comme vous le disiez tous les deux, il y a une question de gestion de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain ne fait pas n'importe quoi. Je prends pas le clodo ici, je me le verse à la tête, on est libre. Tu sais, je suis pas plus libre qu'avant, puis en plus, je vais être mouillé, puis j'aurai froid. La glace maintenant. Tu vas se mettre à friser. En fait, j'aime bien. Mais présentement, ce que je dis, c'est qu'on est toujours limité à ne pas être capable. Bon, le père qui veut dire à ses enfants qu'il les aime, à un moment donné, il peut. Ah, mais là, parce qu'elle n'écoute plus. Non, ça fait 5-6 ans que tu peux plus. Ah, ben j'ai... Non, tu peux plus depuis longtemps. Il y a des besoins fondamentaux. Ma chatte, moi, là, elle est rendue à... peut-être 50-55 ans. De l'âge de chat, là. 4-5 ans, quoi. Elle aime jouer encore. Elle a besoin de venir se coller. Elle a besoin de contact physique. Puis si j'en donne pas assez, elle me mord un peu. Elle me liche, elle me mord un peu. Fait que je m'en occupe. Mais les adultes, on ne fait plus ça. Savez-vous, moi, j'ai des enfants, ils sont rendus un peu plus grands. On se tiraille encore, quand il n'y a pas trop d'adultes autour, parce qu'ils sont rendus assez grands, qu'ils ont l'impression qu'on est pas mal bizarre. En plus, d'un coup, je perdrais, tu sais, je sais pas. Quand ils étaient jeunes, on se tiraillait souvent. On se tiraillait dans le lit, on se tiraillait à terre, on se tiraillait souvent. Bon. Quand on est adulte, est-ce qu'on se tiraille encore? Non. Est-ce qu'on a besoin du contact physique autant? Ah ben non! Faites l'amour en maudit, par exemple! Oui, on a besoin du contact physique autant. On a besoin de se masser, de se toucher, de se tirailler, de se gratter, tu sais. Avant, on avait des pouces, ça nous donnait une raison. Bon, là, on n'a plus. Puis en plus, on se met des permanentes, des choses de même, fait que là, on ne peut pas toucher à ça, tu sais, c'était... Bon. On en a besoin autant. Mais à un moment donné, on ne le fait plus. Jouer, s'amuser, on ne fait plus ça. Parce qu'il y a un certain âge où ça ne se fait plus. La prison, là, est commencée depuis un bout de temps, et rendue à un moment donné, là vous mais, fermez bon, mais, une des portes. Ça, c'est la manipulation. Mais comment sortir de là? Parce que... Premièrement, c'est de voir la stupidité de notre affaire. Bon, ça, c'est réglé. Je vais continuer la stupidité. Non, il y en a encore. Okay. Il y en a plein. Oui, mais la vraie... Si tu sors de ta prison psychologique, qu'on va utiliser l'expression, même si c'est pas bonne... Est-ce que tu cours après tout le monde? C'est pas ça, je veux dire, mais tu risques de te ramasser dans la vraie prison, là. Non. Parce que... Oui, c'est ça. Ouais, en plus. Parce que... Sûr que le juge, il comprendrait si ma fille, elle a 18 ans, puis qu'elle est venue coucher avec moi, puis que... parce qu'elle avait fait un cauchemar, tu sais. Il y a un âge où... socialement, là, la prison, elle risque d'être physique. Je m'en fous. Je vais vous laisser débattre ce point-là. J'ai dit que vous avez raison. Et moi, je vous dis que... Moi, ça ne me tente pas de le débattre. Moi, je m'en fous. Monsieur le juge, vous ne comprenez rien. Là, je m'en vais en prison. Oui, c'est ça. Non, pendant que lui, il ne comprend rien à Outremont, moi, je ne vais rien comprendre à Laval, à quelque part, dans une cellule. Ce qui est important, je m'en fous. À chaque fois, puis je ne sais pas que c'est tort. Tous les deux, là, c'est socialement, il y a des dangers. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne fera jamais rien, parce qu'il y aura toujours un juge, un voisin, il y aura toujours un enfant, un parent, ça, c'est la même chose. Fait qu'on ne fera jamais rien. Mais ça, c'est bon, ça, parce que c'est l'exemple des Juifs là, qui étaient dans le camp de concentration. C'est qui le premier à sortir? Il t'a tué, exact. On me réincarne ailleurs, moi, je suis sorti. Restez là-dedans, vous autres, puis continuez à voir pas. Bon, mais là, de coup, tu te ramasses dans le rat dans le laboratoire. on va l'avoir ailleurs. Mais la métampsychose, ça n'existe pas dans mon cas. Je reviens pas des animaux. Pire que ça, disons que tu te réincarnes comme policier. Je deviens comme lui. Je deviens un bon policier. T'interview. Mais non, je deviens quelqu'un qui a bien allure et qui a hâte de lâcher la police. Ça t'avancera pas. Je m'en fous. Là, on parle de... Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux rester... Parce que peut-être qu'il y a un temps, tu l'as déjà dit toi-même, s'il y a un temps peut-être pour chaque chose. Oui, bien, c'est le temps qu'on en parle. Fait que laissez-moi parler un peu. Vous pouvez défendre le point. Je n'ai rien contre. Socialement, c'est sûr. Il y a des parents qui se baignent avec leurs enfants, qui prennent leur bain, leur douche, etc., ils s'amusent, ils jouent. Tout nu, évidemment. Il y en a qui font le costume de bain, peut-être, bon. À partir d'un certain âge, ça se fait plus. Pourquoi? Ah, ben là, ma fille commence à avoir des seins, tu sais, puis là, va commencer à quoi? Quelle foutue maladie que c'est ça! Je tenais des cours de judo à des enfants, à un moment donné, il y a une jeune fille qui vient me voir, elle me dit, ce soir, je peux pas en faire parce que je suis malade. Si t'es malade, t'as rendu rester chez toi. Elle dit, non, mais parce qu'il aime bien le prof, puis il aime bien le cours, fait qu'elle voulait venir assister au cours, regarder. Non, mais je suis malade, mais pas assez pour rester à la maison. Ah oui, mais c'est malade, c'est quoi ta maladie? Ah, mais je suis malade. Mais c'est quoi? Mais je suis menstrué. Pas une maladie, c'est orieux. Des menstrués, là, je comprends, mais c'est pas une maladie. Ils sont malades, les dames. Tu sais, ils sont malades. Des prisons. Des maudites prisons intérieures, il y en a. On n'est pas heureux. On peut pas parler à ceux qu'on aime. On a des amis pour faire quoi? Pour jaser. Mais l'être humain est un être grégaire pour plusieurs raisons. Un, pour se sécuriser dans la psychologie, pour être plus fort pour qu'on se la gueule des voisins, pour être, puis quand il commence à être intelligent, il va rester grégaire parce qu'il se rend compte qu'en société, on est capable de multiplier les résultats en divisant les efforts, quand c'est intelligent. Puis quand il est un peu plus intelligent, il va rester grégaire parce qu'il se rend compte qu'il doit créer une synergie, cumuler de l'énergie pour parvenir à être capable de comprendre puis de s'en sortir, d'améliorer sa condition. La condition planétaire. Il va rester grégaire maintenant. Mais le problème, c'est que quand on commence à être grégaire dans la conscience, puis c'était la manchure de tout le monde. Il y en a qui ont dit, moi, je me cloître, je rentre dans un couvent, je rentre dans un monastère, je ne fais plus rien, ne me soumettez pas à la tentation. C'est quoi la tentation? C'est ce que l'humain a de besoin dans la majorité des choses. Mais on a la manipulation à faire en sorte que l'humain voit tout ça mal. Un pénis, des testicules, un vagin. Savez-vous ce que c'est? C'est ce qui permet d'engendrer des enfants. C'est ce qui permet de créer des humains. Probablement que la partie anatomique de l'être humain le plus merveilleux, le plus extraordinaire, qui nous permet en plus de se réincarner, de continuer à être sur la planète Terre, de créer des corps de plus en plus intéressants, c'est ces organes-là. Lesquels sont les plus rejetés? Les fesses, là, vous savez ce sort-là? Si on en voit, ça ne dérange rien. Virer la personne de bord à la télévision, c'est le scandale. Ce qui peut engendrer la vie, créer les enfants que t'aimes, créer ce que vous êtes présentement, les enfants qui avaient été aimés, créer ce qu'il y a de plus beau sur la planète Terre, c'est ce qui est le plus rejeté. C'est une prison. C'est une maudite prison. Puis là, qu'est-ce que c'est? Un doigt, un pénis, qu'est-ce que c'est? L'organe sexuel, le corps physique au complet. On n'en a rien à foutre. Ça fait des milliers d'années que dans les structures, on cache le corps physique, puis on cache qu'on sait tout. Hein? Mesdames, vous savez tous comment sont faites les autres, puis comment sont faites les hommes. Puis les hommes, c'est la même chose. Puis on le sait tout, faut pas être menteur. Hein? J'ai un verre, là, puis on cache tout notre verre à tout le monde, là, puis on sait tous qu'on a un verre, là, puis on le cache tous, notre verre. Puis quand quelqu'un monte un peu son verre, tu te dis, oh, attends, un verre comme le mien. Si, gros. Ah, c'est de la vie, c'est génial. Et en plus, ceux qui vont cacher le plus disent qu'on est fait à l'image de Dieu. Il faut aimer Dieu. Bon, il y a de l'incohérence, il y a toute une amancheur. Oui, mais le juge, il comprendra peut-être pas. On n'ira pas jusqu'au juge. Moi, ce que j'explique, c'est qu'on est mal pris. On ne vit pas nos vies. On n'est pas du tout dans notre affaire. L'être humain a besoin d'énergie. Comprendre, c'est pas avoir des mots. Moi, les mots, là, je comprends rien, ce que je dis tant que je l'ai pas dit. J'oublie après. Bon, j'écoute mes cassettes. Non, pas à ce point-là. Je vis. Enfin. Mais, on parle. Comprendre, c'est pas avoir des mots. Ça, c'est de l'intellectualisation. C'est intéressant pour être capable de terrestrifier l'information. On appelle cela la prédigérer pour la communiquer à ceux qui n'ont pas le système digestif neuro-endocrinien. Disons, qui n'ont pas le système d'intelligence suffisamment développé actuellement pour être capable de digérer de la matière, de l'énergie brute. Alors, on la reçoit, je la reçois, je la prédigère, je l'humanise, je la transforme en mots, et puis là, ça permet à des individus de pouvoir redigérer, mais ce n'est pas les mots qui sont importants, c'est une question d'énergie. L'énergie, c'est ce que l'humain a le plus de besoin pour grandir, pour ne pas vieillir, mais le vieillissement, là, j'ai rien contre. Le vieillissement, c'est ce qui nous amène à être de moins en moins efficace, parce qu'on voit des personnes, par exemple, dans la salle ici, qui, pour certaines personnes, ont des corps plus âgés. Ce ne sont pas des êtres vieux. C'est pas dit, premièrement, qu'ils ne rajeuniront pas. C'est pas dit qu'ils vivront pas suffisamment longtemps à faire d'autres choses. Quand je parle d'un être vieux, c'est évident que l'oxydation cellulaire est une problématique. Idiot. Bon, à un moment donné, avec de l'énergie, on peut faire certaines choses. Puis ça, il y en masse de gens qui ont vécu, des personnes qui, à l'âge de 80 années, ont commencé à avoir leur nerf poussé. Tu sais, puis là, il y avait un problème, il poussait deux dents, fait que dans, il s'adaptait plus, puis il y avait tout un... Bon, ça, c'est des techniques. Problème. Tout se fait. Il faut ramasser de l'énergie. On ramasse de l'énergie, un, en cessant d'en gaspiller, donc en cessant de crier, de gueuler, de chioler, c'est-à-dire de se plaindre, de se chicaner sans arrêt, de jalouser, d'envier, d'haïr, de maudire. On maudit l'humain, puis celui que tu maudis, tout ce qu'il veut fondamentalement, c'est être bien. Sa planète. Il n'y en a rien à faire d'être volé, il veut être bien. Il est manipulé par le même maudit mensonge cosmique, par le même maudit piège, dans la même maudite prison. Au lieu d'haïr toute la structure, on haït l'humain. Ça, on perd de l'énergie là-dedans. Là, on jalouse, là, on s'inquiète, là, on a tout un amancheux. Première façon de ramasser de l'énergie, c'est d'en perdre. Deuxième façon, la parole. La parole, le silence est d'or, la parole est d'argent, le silence est d'or. C'est l'inverse. Le silence. Dans l'ère actuelle. La parole est d'or, le silence est d'argent. Le silence d'or, la parole de réveil. Ouais. Là, on part. En parlant, en jasant entre nous, c'est-à-dire que je dis souvent, vous devez vous faire des amis, vous devez vous rencontrer de temps en temps. C'est sûr, c'est compliqué de faire des amis. Bonjour, tu peux être un ami, il faut jaser. Tu coûtes du café, toi. T'sais, on te roule la quétaine de se faire des amis. On est poigné sur la main, sur le même vaisseau. On est poigné sur la même maudite planète. On n'est même pas capable de se parler. On a perdu ce qu'il y avait dans le temps de l'homme des cavernes. Je vais faire attention comme je le disais. Dans le temps de l'homme des cavernes, il y avait les clans, puis il y avait la nudité. Les contacts physiques, je dis pas que c'était dans le même sens, mais au niveau pratique, là, ça se passait comme ça. Il y avait, si, premièrement, comme tu disais tantôt, il y avait les époux, il y avait toutes sortes de raisons pour se toucher. Bon, puis c'était ça que ça a créé, ça a créé un changement énergétique dans ces personnes-là. Puis peut-être que comme ça, l'âme s'est développée, puis à un moment donné, ça l'a arrêté l'évolution dans un certain sens. C'est-à-dire qu'il fallait... L'animal humain de cette époque-là n'était pas un être humain. Donc, il fallait qu'on engendre une inhibition sexuelle pour amener l'humain à s'émanciper au niveau de la matière. Il fallait, donc, il a fait la guerre, il a conquis, il a fait un paquet de choses, il y avait encore évidemment le viol là-dedans qui était le trophée, puis après ça, tu coupes toutes les têtes pour purifier, pour garder le même clan. Bon, les égrégores de divinités locales, les esprits ancestraux, voulaient préserver le monde de la mort pour eux. Progressivement, il y a une inhibition par l'intelligence au niveau de la matière et pour forcer l'humain à travailler sur un autre plan et on engendrait la spiritualité. La spiritualité a donc travaillé contre le sexe et contre l'argent, contre la matière. Dans la société actuelle, c'est exponentiel, on parle de millions d'années, de milliers, centaines de milliers d'années, des milliers d'années. Voilà quelques 50, même, mettons, 200-300 ans dans certains cas, il y a une inhibition spirituelle qui apparaît pour permettre l'émancipation au niveau du mental. Là, les religions, on ne veut plus rien savoir, c'est la science qui prend le dessus. Là, maintenant, il y a une inhibition au niveau du plan mental chez l'être qui se conscientise pour qu'il s'émancipe au niveau de l'intelligence. Ceux qui n'ont pas été capables de suivre ont fini par briser l'inhibition, puis sont libérés, sont devenus des libérés sexuels, des libérés matériels. Or, pour tout le monde, c'est pas grave, dans tous les sens du terme, prend de l'argent, puis couche avec n'importe qui, c'est la libération. L'être humain prêt de devenir, l'animal humain prêt de devenir un être humain, devenu un animal plus bâtard qu'avant. Dans ces contextes-là. Évidemment, c'est réversible, l'humain n'est pas perdu parce qu'il fait ça, là. Bon. Aujourd'hui, l'humain se conscientise. Plus il se conscientise, plus donc il devient inhibé. Plus il est inhibé, plus il est conscient, plus il est conscient, plus il est poigné. Sauf que maintenant, pour être capable de contrôler le jeu de la mécanique, on doit se dépoigner, on doit avoir de l'énergie. Mais on ne peut pas se libérer, on doit se désinhiber. Pour ça, il faut comprendre l'absurdité existentielle. Il faut s'écœurer sans se déprimer. Il faut comprendre l'absurdité existentielle. Si on comprend l'absurdité existentielle, ben c'est évident qu'on va finir par brosser suffisamment la cage intérieure pour... Non, je veux aimer quelqu'un, j'aime quelqu'un, on ne veut pas aimer, je l'aime. Je ne peux pas y toucher, je ne peux pas y toucher, je ne peux pas y parler. C'est compliqué. À un moment donné, je dois minimum me rendre compte que c'est pas moi. Oh, mais là, l'enfant du voisin, t'aimerais ça aller y parler, te prendre par les épaules, te nourrir de lui. Écoute, ce qu'il veut se nourrir de toi, Il y a une synergie qui doit exister, sinon ça devient tétard, bien sûr. Ça devient énergétique. S'il accepte, par rapport à l'accepter, comme on dit tout à l'heure, quelque chose qu'il faut qu'on regarde, mais au départ, toi, tu peux te dire, quand je ne suis pas libre de pouvoir le faire, je ne vis pas ma vie. Maintenant que je suis libre, est-ce que je le fais ou pas? Ça dépend, je n'ai pas compté toute la vie de la voisine du bonheur. Je suis libre maintenant. Maintenant, je peux régir ce que je fais en fonction de ce que je fais. Au départ, il faut cesser de dire, on ne peut pas marquer. Je n'en vaux pas. Mais c'est ça, le blanc. Je pense que j'ai fait des bons résumés. On fait un petit peu.